Yeah. Yeah. In the black hole. Got it, bro. C'est le MC Blast. J'ai tellement gratté si lobby que j'ai de la corne sur les phalanges. Ma vie c'est du hors-piste où je dois esquiver les avalanches. J'avance avec mon challenge, danse entre le bien et le mal. Être méchant ou aimable, ce qui pèse le plus dans la balance. Parce que depuis tout gars je dois m'adapter aux aléas. Un peu EP, je suis aléa, j'ai pas la gueule à faire l'ENA. Aïe. La vie est belle comme une garde dans un défilé. Mais cette chienne fait des phares, j'ai été pris dans un de ses filets. Ok, je pousse des rugissements, faut bien qu'on réagisse. Non, le soir ça brûle des feux, ça use des pneus, j'entends des crissements. Les flics et leurs déguisements ont tous les droits et pour rien, ces enculés t'envoient en cellule de dégrisement. J'entends du vacarme, marre de l'Ardèche, tant de bâtards, il me faut des vacas à Marrakech. Putain, ma vie des maladresses, la France d'en bas t'es maladresse. T'inquiète, avec la fume, je combats le stress. Mais va leur dire, toi, ceux qui nous comprennent pas, qu'on galère tous et que la richesse n'est pas open bar. C'est la politique de l'autruche, la tête dans le sable. Je vois rien, j'entends rien, mais un tas de gens savent que ça va bouger d'ici peu. Je suis pas dissipé, mais pour me soulever, j'irai pas jusqu'à attendre que les missiles pleuvent. Tu sais, la vie est une épreuve, quoi. Comment garder la foi dans ce monde où les bourreaux délirent, là où les victimes pleurent, j'ai plus. Comment garder la tête sur les épaules, comment garder la pêche pour apprécier la vie tout en pensant la perdre, j'ai plus. Si je veux être pété d'une, l'argent en fout, les gens regardent ces meufs qui pour 50$ vont se faire péter le cul. T'as pas pigé qu'on allait droit dans le mur, vas-y fais le mort, surtout détourne la tête devant ces gosses qui font l'aumône. Ouais, je suis pas vraiment fier, tout le monde voudrait que ça change tout en sachant, cousin, qu'au bout du chemin personne sait comment faire. Vas-y, mate le monde, regarde un peu ce qui se passe, il reste encore des colons. Des âmes perdues qui s'y perdent, rien tient en place. Deux secondes, on avance plus, on discute pas. Et si t'as pas la bonne face, tôt ou tard tu seras coupable. C'est ça qui s'appelle la France, je la refuse étant tout bap. Paradoxalement je les emmerde à chaque syllabe. Dans les médias mon rap est sali, c'est du gaspillage de salive. Ça prend de la pique ravée, la crime et ça se tape comme Karadine. Allez arrête, dès que la pompe me garde des cancers. À croire que ça a à faire, je te dirai ferme ta gueule et pas serre. Désemparé, sont les générations qui arrivent. Des armées de savoir perdu plus vite dans un mal de vivre une bactérie. Et ça te bouffe à plat tes batteries, c'est pathétique. Comme un bâtard qui tape pas dans le rythme, pas de courtoisie. On se marche dessus de façon oisive, court rage, mais on vit nos vies de façon hâtive. Sans chier, Sarkozy te l'a mise, te fait croire à toutes ces crises, te ment et te méprise, étranger. Mes paroles, c'est toi qu'elles visent. Et au viseur, une harbia un peu métissée. Mais qui sait que les illuminés veulent gouverner. Il passe le mot à Sarko, qui met nos races à défaut. Dessine un œil en logo et l'Europe compatit. Sarkozy, messager des Illuminati. Ok les gars, fallait que je vous dise. Ça fait 20 berges, mon cœur s'aiguise entre la tise et les provoque, entre la fuite et les convoque. Mes cicatrices s'aiguisent entre la pisse et les médocs. Bah ouais les gars, je crois que je vais raconter ma Yves. J'ai entamé le pire à l'avenir. Je pense à ma sœur, partie trop tôt sur mes yeux. Se voit le rideau de mes peines. Je mords les lèvres. Bah ouais les gars, entre mon cœur et ma haine, c'est l'amnistie d'un souvenir, une partie de soi-même. Un coup tu cris, un coup tu jactes. Entre la guerre et les prix, un coup tu pries, un coup tu meurs entre misère et la vie. Dans ma main, tiens ma plume, réactrice à l'empique de ma sphère. Pour toutes les actrices du vice et les rompières. Laisse une prose prolétaire couleur vivise. Bien le vice de ma mémoire crapé sous ma plume de rosière. Frérot, on a toujours pas trouvé le remède d'accepter l'ignorance quand on a demandé de l'aide. La fierté dans les gènes, on n'est rien à leur échelle. Et dans ce domaine, on retranscrit la vie urbaine. C'est la chasse aux lièvres, n'espère même pas faire carrière. Souvent nos chemins étaient bloqués par des barrières. Comme a dit Beretta, on n'est que des acariens. Leur magouille politique ne dit pas que tu vois rien. Même ce qu'ils font en sous-marin, l'État on lui doit rien. Après ils veulent nous apprendre à devenir bons citoyens. Personne ne paye mon loyer. Quand j'étais dans la merde, les mauvaises intentions m'ont bien sûr foudroyé. Alors on demande pardon car on sait bien que les anges nous guettent. En train d'écrire si on commet les bons ou mauvais gestes. Et si on commet nos fautes, non tu veux pas. À force de jouer le cow-boy tu finiras aux oubliettes. Les arrêts, on monte pas les crocs et on monte pas les seufs. À faire du son en tout discrétion, je sais qu'on n'est pas les seuls. C'est pour ceux qui savent et qui croient en nous. Pas ceux qui bavent et qui parlent en douce. Ceux qui font aïe quand les paroles touchent. Quand les paroles plaisent, quand les paroles plus. Quand tu vois que la vue n'est pas rose, quand même tes rêves te paraissent nuls. Tu finis par te dire pourquoi croire en ma mila. Quand tu vois qu'autour de toi tout se court vers un simple mirage. Pendant que tu pries pour que les riches soient pauvres et pour que les pauvres soient riches. Combien sont morts pour qu'on soit libre et combien prennent encore tarif. Victime de guerre ou bien d'escroquerie, victime de haine ou bien d'atrocerie. On veut le bonheur et à n'importe quel prix. Alors dans quoi l'humain a-t-il ferré, qu'a-t-il flairé? Qui es-tu pour traiter ton frère en tant que pestiféré? Marre d'écouter, marre de vous entendre, marre de vous voir vous engraisser pendant que ses porcs versent le sang des enfants. Et si ici si, c'est ça, de se faire l'Ardèche en automne, de R1 16 journée monotone, le verre allège, bar peuplé d'autochtones, vieux frère en calèche qui chantonne, un petit air avisé sur petit verre alcoolisé. Mes petits frères, je te disais que de vivre face au Ardéchois, c'est rester ivre, façon t'as pas le choix. Bien plus de garçons que de pacholes, bien trop de maçons pour de grandes folles. Et c'est pourquoi, si t'as les gros frères, casse-toi ou prends une grosse bière, y'a rien de bon pour toi, mis à part ces ambiances calées opéra. Dans les ruelles calées d'Aubenas, ici bas, pas de place passionnée d'opéra. Rouler, aromatiser, THC on fera, à force teaser, achevé on sera, à force teaser, achevé on sera. Bon, on va chercher une île secomico quoi.